Tiré de contes, anecdotes et récits canadiens d'Aristide Filiatro, les éditions de l'Avenir présentent Deuil. Un pauvre ouvrier se fait tuer à son travail vers 7h30 du matin. Il s'agissait d'avertir sa femme avec tous les ménagements possibles. On chargea de ce soin l'un de ses camarades qui se fit fort d'annoncer l'accident à la veuve avec toute la délicatesse voulue. Il se rendit incontinent chez elle et la trouva en frais de laver sa vaisselle. « Ma chère dame, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Votre mari qui travaillait avec nous est tombé du 3e étage d'une maison en construction. Il s'est fracassé le crâne. Il est mort raide. Les camarades vous l'apportent. Ils seront ici dans 5 minutes. »« Vrai? Eh bien, attendez. Je vais finir de laver ma vaisselle, puis vous allez voir une femme qui broye. »